Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 4 juin. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que c'était le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en fin de semaine. Et parlons au premier rang, les Saguenay de Chicoutimi ont opté pour Hendrix Lapierre des Intrépides de Gatineau. Lapierre a marqué 17 buts, amassé 40 passes pour 57 points. Et parlant au 7e rang, les Saguenayens ont probablement sélectionné le meilleur joueur du repêchage en repêchant Théo Rochette de Lausanne ensuite. Rochette avait fait parler beaucoup de lui la semaine dernière, évidemment, en se déclarant éligible au repêchage. Les Saguenayens de Chicoutimi ont certainement profité du au fait que les autres formations ne voulaient pas prendre de risques avec ce joueur qui est de nationalité suisse et également canadienne. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, le directeur du recrutement chez les Saguenayens, Daniel Demers, évidemment, se disait très très content du repêchage. On avait une stratégie, puis ça a très bien marché. Ça a très bien réussi. Les joueurs qu'on avait mis aux différentes rondes, ils ont sorti ce qu'on pensait, puis en deuxième ronde, on a ramassé deux joueurs exceptionnels. On était très contents. Est-ce que... Lorsque Théo Rochette s'est déclaré éligible, ça n'a pas changé le plan des Saguenayens. Il faut dire que les Saguenayens ont tenté de s'avancer pour repêcher Rochette, mais ça n'avait pas fonctionné. Et évidemment, ils étaient très heureux qu'il soit disponible au 7e rang. On était content parce que Théo Rochette qui a décidé de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, c'était un plus pour tout le monde. T'sais, c'était un joueur meilleur. Mais honnêtement, on ne pensait pas qu'il était plus rendu sur le taux de pic. On a essayé de s'avancer. On a essayé de faire une coupe d'affaires et s'avancer, mais après ça, on a regardé et on a dit, selon nous autres, il va être là à ce pic-là. Et Daniel Demers mentionne dans un dernier temps qu'un choix de 7e, 8e ronde peut quand même faire et espérer faire l'équipe, explique le directeur du recrutement. Ça peut être n'importe quel des autres, c'est Vincent Labanque qu'on a parlé tantôt, c'est un choix de 9e ronde. Comme Yannick dit, les rondes, ça compte aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ça compte plus. Tous les joueurs sont sur le même pied d'égalité. Puis ils laissent faire leur devoir et d'arriver prêt pour le camp. On va parler du bootcamp qui se déroulait maintenant à la Domiski. C'était la deuxième édition de cette année et il y avait quand même pas mal de monde. 1200 participants ont participé à l'événement et on avait modifié le parcours pour diminuer les temps d'attente et améliorer la logistique. Donc, et aussi, avec les 1200 personnes qui ont participé à différents obstacles, en tout, il y en avait 25. Donc, on aurait parlé au cours de la journée dans la section entrevue de danradiosport.com avec celui qui est en charge, Richard Bello. Maintenant, on va parler du côté du soccer. On sait que c'est commencé dans les différentes ligues. D'abord, en catégorie U10 féminin hier, défaite de Saint-Félicien 3-1 contre Chipcha. En division 1, chez la catégorie U16, défaite également de Saint-Félicien 3-0 contre le Boreal de Chicoutimi. Et également, il y avait également d'autres matchs, mais malheureusement, on n'a pas les résultats. Ça devrait rentrer dans le courant de la journée. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.